Chapitre 13. Bien longtemps avant que la voiture envoyée à la gare eût pu ramener les élus, Anna et Letty étaient dans le vestibule, attendant avec impatience l'heure bénie. Mille fois, elles avaient passé la revue des préparatifs. Tout était parfait, les chambres fleuries, le plateau dressé, les pâtisseries fumantes, le café exquis de la princesse prêt à être consommé, mais ni elle, ni Miss Leach ne devaient assister à l'arrivée. Outre que ces deux dames ne donnaient évidemment qu'une approbation limitée au beau projet d'Anna, elles avaient jugé avec raison que leur présence, toujours courtoisement requise aux heures libres, ne serait pas indispensable au salon cet après-midi. Enfin, le convoi des affligés s'arrête devant la porte. Le cœur palpitant, des larmes et des sourires pleins les yeux, Anna accourt devant d'elle. Elle eût volontiers jeté ses bras autour du cou de ses chères femmes, les yeux pressés sur son cœur avec mille assurances de bon vouloir. Mais une timidité inattendue l'en empêcha, en même temps que son allemand la désertait comme toujours dans les moments critiques. « Guten Tag, guten Tag, bonjour !» fut tout ce qu'elle put dire d'une voix agitée, tandis qu'une grande femme en deuil, la veuve von Treumann, sans nul doute, descendait la première. « Guten Tag !» répondit l'arrivante. « Es freut mich !» « Je suis heureuse, » poursuivit Anna, saisissant ses deux mains avec tendresse, mettant tout son cœur dans ses yeux. « Vous êtes Miss Estcourt ? » ?»« Oui, si heureuse. Oh, si heureuse de vous voir. C'est là, je pense, la baronne Elmreich ?»« Non, non, » proteste la voyageuse interpellée, évidemment épouvantée de cette méprise. « Voici la baronne, » laissant voir derrière son ample personne une blonde fanée, dont le visage dit clairement qu'elle est peu flattée d'avoir pu être confondue avec une fräulein court au bord. On entre au salon. Anna, rayonnante, mais embarrassée, essaye en vain d'établir un semblant de conversation entre elle et ses femmes qui ne se connaissent pas, qui ne la connaissent pas davantage. La veuve est la seule qui fasse entendre sa voix. Les deux autres sont muettes. Enfin, on prend place autour de la table chargée de bonnes choses, ce qui crée un peu d'animation. « Letty va m'aider à vous servir, » dit Anna. « Laissez-moi, chers amis, vous présenter ma nièce, qui est aussi heureuse que moi de vous voir. »« Ah, c'est votre nièce ?» demanda la baronne, ouvrant la bouche pour la première fois. « Elle vous tient compagnie. »« Vous devez vous sentir solitaire ici. »« Oh non, pas un instant, » assure Anna, versant le café. « Vous aimez, je vois, le grand air ?» observe Frau von Treumann. « C'est vrai, je l'adore. Et ici, il est si pur, n'est-ce pas ?»« Un peu humide, peut-être. » « Vous avez froid ? Et moi qui n'y songeais pas, je suis impardonnable. Vite, Letty, fermez la fenêtre !» Cordiale et hospitalière, elle s'empresse autour de ses invités, les abreuve de café, les bourre de pâtisserie, essaye de tout son pouvoir de les mettre à l'aise, et en même temps se sent cruellement intimidée devant ces trois perdus qui ne la quittent pas, ces trois femmes qui ne disent à peu près rien. Intimidée, mais profondément heureuse malgré tout. Ne tient-elle pas à la réalisation de son rêve ? Des trois élus, c'était encore Fräulein Kurhauber qui se montrait la moins gênante. Mangeant pour quatre et baissant les yeux sitôt qu'il rencontrait ceux d'Anna, tandis que la fixité de regard des deux autres ne se relâchait pas un instant. Miss Leach me répète toujours que c'est impoli de regarder les gens fixement, pensait Letty, déjà vaguement déçue au sujet de ces trois héroïnes. Ben, ces deux, est-ce qu'elles s'en privent ? Et celle-là qui baffre, qui s'étrangle, qui casse, qui renverse tout, qui ne fait que des gaffes. Bon, voilà les autres qui la regardent à présent. Dieu qu'elles ont l'air méchants. Après tout, je la plains, moi, cette pauvre fille. En effet, l'infortunée court au bord, après avoir donné satisfaction au plus vigoureux appétit qui se put voir, venait de se signaler coup sur coup par une série de maladresses. Sur quoi ses deux compagnes de malheur, retirant du visage d'Anna leur regard persistant, l'avait transféré sur la coupable qu'il finit de mettre en déroute. La baronne, personne d'âge indéterminé, petite, maigre, fanée, avec des cheveux incolores, disposés sur chaque tempe en ses petites boucles plates qu'on appelait jadis accroche-cœur, des yeux bleus pâles, toujours arrondis et pas de lèvres, ne présentait aucun vestige de beauté. Fräulein Kurhauber, aussi florissante de teint, exubérante de forme, que la baronne était maigre et effacée, devait, comme elle, avoir dépassé la quarantaine et pas plus qu'elle ne pouvait prétendre être appelée belle. Frau von Treumann, grande, sèche et fortement charpentée, était probablement l'aînée du trio. Elle avait passé 50 ans et n'en faisait pas mystère. « Mais j'y pense !» s'écria soudain Anna, toujours désireuse de voir régner autour de la table cette aisance qu'elle-même était loin d'éprouver. Je ne vous ai pas présenté les unes aux autres. Nous l'avons fait nous-mêmes à la station que nous nous sommes vus près d'entrer dans la même voiture, dit la veuve. Les Elmreich et les Treumann sont parents, observa la baronne. Éloignés, corrigea l'autre avec raideur. D'ailleurs, nous sommes apparentés à tout ce qui porte un nom en Allemagne. Il y eut un silence pendant lequel Fräulein Cura au bord, enterrant son visage en feu dans le fond de sa tasse, achevait de la vider, tout en souhaitant vivement qu'une destinée propice lui donnait un nom ou tout au moins une parenté. Car non seulement elle n'avait pas le nom au sens où l'entendait Frau von Treumann, mais bien différent de cette privilégiée, il semblait qu'elle ne fût apparentée à personne. Orpheline à 2 ans, elle avait grandi dans un asile, d'où elle dut sortir à 16 ans pour aller gagner son pain. Or, Fräulein Cura au bord aimait infiniment mieux manger ce pain que de le gagner, et ce fut sans enthousiasme qu'elle fit ses débuts dans une famille de pasteurs comme Stütze der Hausfrau. Ces Stütze, ou soutiens, sont institués pour l'aide et le réconfort de la ménagère allemande, pourvue d'une nombreuse famille et de ressources limitées. La Stütze est appelée à la seconder dans ses multiples devoirs, au four, à la cuisine, à la lessive, au repassage, au raccommodage, à l'éducation et à la récréation des enfants. Il s'en trouve qu'ils sont de vrais trésors, la joie de la maisonnée, l'ange gardien du foyer. Fräulein Cura au bord n'appartenait pas à ce type. À peine avait-elle passé quelques jours dans sa nouvelle demeure qu'elle était invitée par une passeur et une indignée à porter ailleurs sa paresse et son incurie. Ce premier échec fut suivi d'une série de naufrages qui avaient duré plus de 30 ans, après lesquels, par le plus étrange coup de fortune, elle se trouvait subitement au port dans les bras d'Anna. Quand elle vit l'annonce, elle était comme d'habitude sous le coup d'un renvoi. Elle n'avait pas un sou d'économie, moins envie que jamais de travailler. Cette offre était providentielle. L'avertissement ne s'adressait, il est vrai, qu'aux dames de bonne famille, et la cour au bord n'en avait d'aucune sorte. Comment se tirer de ce pas? On ne lui avait pas pour rien appris dans son orphelinat le langage de la religiosité et les ressources de la restriction mentale. Prenant une plume trempée de larmes et de bénite, elle parla en termes pieux des longs malheurs qu'il avait plu à la Providence de faire peser sur elle. Après quoi, elle indiqua, avec un accent touchant de piété filiale, les dons remarquables de son feu père, homme de lettres distingué pendant son bref séjour sur terre, et à cette heure, gegenwärtig mit Gott, face à face avec Dieu. Cette lettre avait plu à Manske, excessivement, et son enquête n'ayant au surplus rien relevé de grave contre la postulante, Anna, fatiguée d'atermoiement, avait décidé de l'accueillir. Ainsi l'advint que Fräulein Cura au bord fut d'un simple facteur de la poste, paresseuse, imprévoyante, mais nullement malheureuse, se trouva reçue sous le toit de la plus charmante fille du monde avec une ferveur d'enthousiasme qui ne fut pas sans l'effarer un peu. N'était-il pas étrange en effet de se voir ainsi cajolé, d'entendre une douce voix vous murmurer à l'oreille qu'il fallait maintenant se reposer pour tout de bon, et ne jamais, jamais faire autre chose au monde que ce qui lui plairait? C'était si différent de ce qu'on lui avait dit toute sa vie que cela ressemblait presque à une mystification. Et le délice de manger à sa faim de toutes ces friandises, le malaise infligé par l'œil implacable des adeliges, les nobles dames, l'angoisse d'ignorer totalement comment il faut se comporter en présence de personnes qui portent un faune devant leur nom, toutes ces causes soulevèrent dans l'ample poitrine de la Fräulein un tel tumulte d'extase et d'épouvante qu'il n'y avait guère à s'étonner si elle en résultait des catastrophes. Ce fut une demi-heure pénible. « Je suis intimidée, elles le sont aussi, » se disait Anna, pour excuser à ses propres yeux l'incontestable contrainte qui régnait. La pause inévitable arriva, et le silence profond de la campagne s'établit. « Comme ce lieu est écarté, solitaire, » dit la baronne avec un frisson. « Chez mon père, » reprit Frau von Treumann, « nous étions aussi en pleine campagne, mais la ferme était plus proche, plus heureusement située. À tout instant, on entendait les bruits de la vie. On ne se sentait pas exilé du reste du monde. « C'est vrai, » dit Anna, « la paix et la tranquillité de Kleinwalde m'ont frappé tout d'abord autant que sa beauté. Et c'est ce qui m'a fait espérer que ce séjour vous plairait. Voyez le coucher de soleil qui se prépare. Déjà la mer et le gazon revêtent des couleurs divines. » Vous êtes, je vois, ami des beautés de la nature, dit Frau von Treumann. Faites-vous de la peinture? Non, je regrette de l'avouer. Vous chantez? Vous jouez de quelque instrument? Ni l'un ni l'autre. Grand Dieu, que faites-vous donc ici? Jusqu'à ce jour, dit Anna avec le plus adorable sourire, j'ai été uniquement occupé, je crois, du plaisir de vous attendre. Arzo, fit la dame un peu décontenancée. Un peu plus de café, proposa la jeune hôtesse, infatigablement hospitalière. Non, non, dit l'autre, avançant la main pour protester. J'en ai pris deux tasses. En accepter davantage serait de la voracité. À ce discours, les quatre tasses de Fräulein Kuhraubor s'imposèrent à l'attention de la façon la plus pénible. Trop tard, la délinquante s'aperçut des excès de table auxquels elle s'était livrée, et la conscience d'avoir été borasse dans cette première séance lui fut si amère qu'arrachant brusquement la tasse de ses lèvres, elle en envoya le contenu faire des ravages inexprimables sur elle et autour d'elle. « Ah, herrier !» gémit-elle en détresse. Les deux dames échangèrent un regard éloquent. On ne trouve guère pareille expression sur les lèvres d'une personne de bonne famille. « Oh, peu importe !» s'écria la bonne nana, désolée de voir la déconfiture de sa protégée. « Laissez, laissez !» comme l'autre offrait de réparer les dégâts avec sa manche. « Ce n'est rien, je vous assure !» Un accident comme il en arrive 100 par jour. Que diriez-vous de monter dans vos chambres, poursuivit-elle, pour faire une diversion. Vous devez être tout un peu lasse. Je le suis, articula Madame von Treumann, fermant demi les yeux d'un air de patiente endurance. Eh bien, montons, dit Anna. En passant son bras sous celui de la personne qui lui semblait avoir le plus besoin d'encouragement, elle prit vivement avec elle le chemin de l'étage supérieur, tout en adressant de la tête aux deux autres une souriante invitation de les suivre. Si bien qu'on mit cette chose inouïe dans les fastes de l'étiquette locale, deux nobles dames passant les portes, montant l'escalier, parcourant les passages à la suite d'une personne appelée Kuhraubor. Cette personne elle-même, en dépit de son ignorance générale du protocole, en frémit jusqu'au fond de l'être. Quant à Anna, parfaitement inconsciente de l'énormité commise, elle allait gaiement de l'avant, encourageant sa compagne de douces paroles et de furtives pressions de bras qui ne furent point perdues pour l'arrière-garde. Encore une fois, les deux Adeligues échangèrent un regard plein de choses, car ces femmes, qui avaient senti l'une pour l'autre, à première vue, une aversion décidée, se découvraient un point d'entente commune, à savoir leur aversion encore plus décidée pour Fräulein Kuhraubor.